Le Nouveau Monde, la nuit. Alors ici aussi, il y avait un cycle, deux parties bien distinctes, le jour, la nuit. Et le grand feu avait été éteint et désormais des milliards de petites torches illuminaient le grand plafond. Nous marchions entre les grands pylônes, main dans la main, pour ne pas se perdre. Et c'est bien la première fois que je tiens la main d'un creuseur, quand même. Tu crois que c'est vraiment le moment de relancer ce vieux débat ? Non, c'est pas pour relancer un quelconque débat, c'est juste que ça m'étonne, c'est tout. Je me disais juste que... C'est quoi, ça ? Quoi ? Mila levait la tête en l'air, comme cherchant quelque chose. Il y avait un bruit étrange, comme... Comme quelque chose qui... Qui fonce sur nous ! M'aider, appareil en difficulté, éjecte-toi mes frics, éjecte-toi, y'a plus. Nous nous sommes jetés à terre pour éviter de justesse une masse sombre qui nous survola pour s'éclater sur le sol. Une gerbe de poussière derrière elle. Nous nous sommes relevés, hésitants. À quelques pas de nous, une créature tentait de se relever. Elle semblait porter une cape noire étrange. Qu'est-ce que... Chut ! Elle se relevait, lentement, sans même nous prêter une quelconque attention. Ses bras étaient attachés à sa cape et son visage, discernable à la lueur des milliards de petites torches attachées au grand plafond, paraissait difforme, surmonté de deux grandes oreilles pointues. Ses petites pattes, sous un corps longiligne, devaient être étonnamment fortes pour supporter son poids. Ah ouais, la vache! C'est pas un atterrissage de Top Gun, ça? Oh là, mon vieux Bender, t'as rayé ta carrosserie! Il s'est posté. Oh, je me suis retourné une griffe! Il regarda une de ses pattes, puis Mila s'avança d'un pas décidé. Dites donc, vous, Mila! Vous avez failli nous écraser, vous trouvez ça malin, peut-être? Mila! Elle était complètement inconsciente. Les mains sur les hanches, elle levait la tête d'un air de défi vers une créature qui justement faisait une tête de plus qu'elle. Sinon deux, voire même trois. Mille excuses, jeune demoiselle, mais je voulais pas, c'est que... Vous ne vouliez pas. Encore heureux que vous ne vouliez pas. Moi, je commence à en avoir marre. D'abord les rats, on quitte Wichiti, on se retrouve ici, c'est-à-dire nulle part, et puis en plus... J'ai rejoint Mila. Mila, faut te calmer, je t'en prie. Wow, désolé, vraiment, désolé. Bender, pour vous servir, chauve-souris Top Gun, la meilleure de toute la région, sinon du monde entier, et même de... l'univers. Une chauve-souris Top Gun ? Ben oui, chauve-souris comme l'animal et Top Gun comme Maverick. T'as jamais vu le film Top Gun, toi ? Et oh gars, tu sors d'où, hein ? De Wichiti ? Wichiti ? Ben c'est quoi ça ? Un nightclub, une boîte d'entraîneuse encore, comme le Cuba Bar Night Salsa ? Ouah, Dolores. Je me souviens de ces nuits enflammées où nos corps moitent. Oh, pardon, je m'égare. Désolé pour le dérangement. J'ai des petites... problème de train d'atterrissage, wow, rien de bien grave, hein. Petite révision s'impose et wop, on est reparti sur les chapeaux de roue. Mais je manque à tous mes devoirs, j'en oublie de vous demander, c'est quoi votre petit nom ? Je m'appelle Squeak et elle c'est Mila, elle est un peu... Choquée, oh oui, je comprends. Quoi encore ? Bender, puisque c'était son nom, laissait dériver ses yeux parmi les grands pylônes. Bender, peut-être que vous pourriez nous aider, on est un peu comme qui dirait perdu et... Oh oh ! Quoi oh oh ! Le grand hibou ! Il se lève pour faire la chasse, Pierre-Jean Grégoire, la fringale ! Je vous conseille de filer vite, hein ! Machine avant toute ! Oh non, merde, ça c'est pour les bateaux ! Roger, décollage ! Il quitte le sol ! Pierre-Jean, quoi ? J'aurais pu réfléchir plus longtemps à la question. J'aurais pu tenter d'arrêter ce Bender qui fuyait comme un bafouiche devant les rats. J'aurais pu... Si ce n'était ce bruit effrayant qui nous fit tous les deux sursauter. Et le vent souffla si fort, une chose 10 fois plus grosse que Bender passa au-dessus de nos têtes en soulevant la terre. Les tiges se plièrent. Une chose 10 fois plus grosse que Bender et qui hurlait. Oh, moi j'en ai marre de tous ces trucs, moi j'en ai marre! Je crois qu'il faut mieux filer, Mila! Et j'en ai marre de courir aussi, j'en ai marre! Bah,